Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Tanaka? Tanaka! Ouvre la porte! Ouvre la porte! Ouvre la porte! Tanaka! À l'aide! À l'aide! Ah! Pas facile de crier. Je crois que c'est des cris de peur plutôt. Non! Non! Non! Oh là, j'ai une voix dégueulasse quand je crie. Bon. Voilà, j'espère que ça va suffire. Et bon, tu me dis si je dois refaire. Parce que j'ai du mal à crier. Mais je peux le refaire.